vois les étoiles. Dans le feu de l'amour et de la mort ensemble, que le flamme éternelle en ton silence tremble. Vois, les étoiles vont une à une s'éteindre, à pouvoir follement ton âme seule étreindre. Les soleils endormis dans nos silences froids se réchauffent au feu des songes d'autrefois. Feuillage qui frissonne au petit vent glacé comme notre âme même au souffle du passé. Le masque de la mort sur les temps révolus ressuscite l'éclat des jours qui ne sont plus. Ne pourrai-je jamais, dans le silence tendre, ton être inviolable un instant seul surprendre? Ces feux de phare en la nuit noire, ô mon amour, qui ne brille jamais si fort que loin du jour. Qu'est-ce que ce vent-là qui nous glace la face et nous force sans cesse l'âme à crier grâce? N'acceptons plus dans l'ombre ultime de hasard. Tout contre moi vient, mon amour, il se fait tard. Il n'est pas de silence au cœur de la beauté qui ne soit le fruit pur de l'immortalité. Mon paysage d'âme à tes yeux découverts et ton amour en moi monte comme la mer. Les clameurs de la mer nous mènent vers l'obscur et lumineux frémissement du geste pur. Le feu, le vent, le sel de mer, tout nous dévore de mortelle brûlure et d'éternel encore. Comme le flot qui roule une rumeur d'orage, toujours mon âme en toi vient battre davantage. Le sommeil est en toi comme la mer profonde illumine sans fin l'espace clair du monde. Solitude éternelle où nous brûlons tous deux de contraires soleils comme de mêmes feux. Cette mer qui s'engouffre en larmes avec ses gouffres n'est-elle pas semblable au gouffre dont tu souffres? Ô vivante, ô secrète, ô folle destinée, ô lumière, en nos mains toutes abandonnées. L'automne resplendit sur le désert des rois, et le jour qui se meurt entre nos toits.